forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, coucou, coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, coucou, coucou. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, avec une des chansons, tout simplement, voici une des chansons de Ariane, de notre génération qui nous a quitté tout simplement dans, avec l'émission de Club Dorothée, tout simplement Ariane. Donc on va redébuter avec une autre des chansons d'elle et puis juste après on continue l'émission avec d'autres chansons différentes. Yeah.

Voici donc qu'il y a un Ray Ventura. Debout dans le soir, mon bonheur me paraît plus doux. Près de vous dans le soir, mon amour n'a plus peur de vous. Le parfum du sentier se mêle à vos cheveux, et le ciel tout entier s'attarde dans vos yeux. Donnez-moi votre main, partageons les plus doux émois. Rien n'existe soudain que vous et moi. Je vous aimais sans même le savoir. Je vois luire un espoir près de vous dans le soir. Son titre qui s'appelle Un déclic, donc un petit bonjour. Voici donc sa chanson. Et puis donc, c'est une amie. Bonjour, c'est Rayleigh sur Radio Arc-en-Ciel. Qu'ai-je à redouter? Je veux changer. Je veux plus me cacher, ni pour rire, ni pour pleurer. Je veux faire ce qui me plaît sans crainte d'être jugée. Je préfère être différente plutôt que transparente. Oui, je vais exister. Je vais me attendu si longtemps. Pourquoi m'être torturé si souvent? Pourquoi rester spectateur de ma vie sans risque et sans saveur? Je veux plus me cacher, ni pour rire, ni pour pleurer. Je veux faire ce qui me plaît sans crainte d'être jugée. Je préfère être différente plutôt que transparente. Oui, je vais exister. Je vais me libérer. Mes ailes vont pouvoir se déployer. Tous mes masques vont tomber. Je vais être moi-même un déclic. Et ma vie est transformée. J'étais timide et réservée. Vous me pensiez prétentieuse et coincée. Je serai toujours trop ou pas assez pour les gens complexés. Puisque je ne serai jamais comme vous voulez, autant que j'assume ma propre personnalité. Je vais me libérer. Juste un instant, vous entendre tout simplement l'Élise, et puis donc si vous voulez tout simplement la voir ou la rencontrer, elle sera tout simplement et eh bien le 21 septembre à la soirée dansante et costumée, soirée animée par l'orchestre Élégance à la commune de Up, près de Thionville, le 21 septembre entre 19h30 à minuit. Donc elle chantera aussi devant vous. Voilà. Donc, eh bien, ça se déroulera le 26 rue de la République avec les Congolais. Donc, eh bien, n'hésitez pas et allez, comme ça, vous verrez la chanter. Voici tout simplement une des chansons qu'elle aime bien aussi, c'est Céline Dion. Donc, voici, on se retrouve juste après. Je n'ai pas besoin d'amour, j'ai quelqu'un tous les jours dans mes bras. Non, je n'ai pas besoin d'amour, je n'ai pas besoin de lune, j'ai des baisers qui m'allument mieux que tout. Étoiles. Non, je n'ai pas besoin de fleurs. Les mots germent dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de rêves. Je n'ai pas besoin d'amants. Le vent souffle énormément. La nuit se couche en chantant. Je berce ma famille. Un petit, petit bonheur immense. Un beau cadeau de l'existence. Non, je n'ai pas besoin d'amour. J'ai des amis qui m'entourent. J'ai du bonheur plein les bras. Non, je n'ai pas besoin d'amour. Je n'ai pas besoin de lune. J'ai des baisers qui m'allument mieux que toutes les étoiles. Un petit bonheur immense. Un beau cadeau de l'existence. Tu n'es pas l'amour de ma vie. La vie de mon amour, mon petit, petit, petit, très grand bonheur. Je n'ai pas besoin de fleurs, les mots germent dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de rêves, non, je n'ai pas besoin d'amant. Un seul jour sans t'embrasser, les feuilles se mettent à tomber. Au secours, j'ai besoin de ton amour. Voilà donc, eh bien, bonjour à tous et à vous toutes, on est ensemble avec eux. Oui, Brice, bonjour. Alors, comment vas-tu depuis qu'on s'est vu l'autre fois? Oh ben, ça va mieux, hein. Qu'est-ce que t'as encore? Vas-y. Oh non, non, non, la petite santé qui va mal, oui, voilà, on est d'accord. Bon. C'est mieux, d'accord. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Ok. Alors, pendant l'émission, qu'est-ce que tu aurais à nous proposer dans l'émission? Alors, dans les émissions que tout à l'heure, je vais vous présenter, je vais vous présenter qu'on connaît tous énormément, Mélanie 10. Donc, oui. Voilà, je vais vous parler d'elle. De bien, j'espère. Hein. Oui, de très bien même. Et qui pourrait intéresser à beaucoup de monde, je pense. D'accord. Bah, Seb, il connaît très bien. Oui, oui, bien ça, sûr. Ça, oui, voilà. Top. Donc, qui est dans la région actuellement. Donc, d'accord. On verra ça tout à l'heure. Okay. Voilà. Et je vais vous parler de quelques sorties. Et puis, bien sûr, il y a les forums des associations aussi. Mmh. Un petit peu partout, dans tous les endroits. D'accord. Donc on va en parler un petit peu après. Ouais. Et puis je vais vous parler des sorties aussi. D'accord. Voilà. Eh ben, t'es un peu comme moi. Ok. Oui, voilà. Comme ça on fait 50-50. Voilà. Kiff kiff. Exactement. Donc eh ben, on continue avec les chansons différentes. Et elle s'appelle tout simplement, eh bien, Carline. Voilà. Et après on se retrouve d'autres chansons différentes. Arc-en-ciel. Jamais, jamais, personne avant moi n'aima plus que moi, et ni même autant que je t'aime. Jamais, jamais, personne après moi n'aura pour t'aimer plus d'amour que moi. L'amour n'aurait pas existé, je crois que pour toi seul je l'aurais inventé. Jamais, jamais, personne ici-bas n'a eu même n'aura pour toi plus d'amour que moi. Ce ne sont pas seulement des grands mots comment faut-il t'aimer? J'ai parfois peur de t'aimer un peu trop, et d'autres fois pas assez. Personne avant moi n'aima plus que moi, et ni m'aime autant que je t'aime. Jamais, personne après moi n'aura pour t'aimer plus d'amour que moi. Car ma vie t'appartient. Jamais personne ici-bas n'aima plus que moi. Mais toi, voudras-tu de moi? Jamais. Voici donc Liane Embrun. Dimanche prochain, dans quel jardin, chérie? Vers quel village, sur quel chemin? Où irons-nous dimanche prochain? Dans quelle maison, pour quel destin, nous accueillera la vie? Quitterons-nous sans trop de chagrin si l'amour meurt dimanche prochain? Si l'amour vit, de quelle joie seront faites nos extases? De quels aveux, de quels émois, de quels soupirs, quelles phrases? Le lendemain, quand on s'éveille d'un rêve, j'ai peur du jour quand il se lève et qu'il s'appelle dimanche prochain. Que deviendront dimanche prochain les serments qui nous lient? Trouverons-nous le même chemin, la même fleur au même jardin, la même larme au coin des yeux, la douceur de nos lèvres, la même ardeur, la même fièvre, la même étoile tremblante aux cieux? Soyez clément, épargnez-nous tous nos drames. Ne changez pas nos sentiments, gardez pareils nos deux âmes. Tout est écrit, mais pas certain, il tient à nous, chérie, pour toute la vie, un éternel dimanche prochain. Voici donc Eddy Grant avec Do You Feel Me Love. Feel Et puis donc c'est sa nouvelle avec Capturé en Soul. Je suis un simple jardinier qui n'a rien à vous raconter de bien malin. Je ne suis pas un beau parleur, on ne fait pas la cour aux fleurs, mais le jardin. On n'a pas besoin d'être beau, on n'a même pas besoin de mots, mais de penser. cueillir quand elles sont écloses, les marguerites et les roses, au cœur grisé. Je suis un simple jardinier et de plus modeste métier. Je n'en connais point de plus joli, je n'en connais guère. Pourtant il y a une pierre dans mon jardin. Ma femme a un cœur d'artichaut, j'ai des marmots plus qu'il n'en faut pour être heureux. Aussi dans mes fleurs, dans mes roses, si vous y trouvez quelque chose, gardez-le. Tout simplement Yves Montand. Voici donc Béatrice Poulon avec Tends-moi la main. Thank you. Voilà, donc on va faire quelques sorties, puis d'autres simplement aux alentours d'Orléans et puis même sur Orléans. Voilà donc, eh ben, je vais laisser tout simplement promis avec Brice, Mamie Fernande, si, tout simplement. Voilà, je te laisse la place. Eh ben, on va commencer par. Moi, j'ai envie de dire avant de proposer quelques sorties, on va revenir à Mélanie 10. Ah oui, voilà. D'accord, tu m'as dit ça quelque chose, jamais. Oui, oui, oui. Je te laisse faire. Vas-y. Alors, que je trouve mon petit cahier. Ah oui. Excuse-moi. C'est logique. Parce que j'ai pas toute ma tête. Si j'ai ma tête, mais oui, j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai pas retenu tout. Ah, c'est pas logique. Hein. Bah oui, mais bon, ça arrive. Hein. Bon. Ouais. Alors voilà. On va Mélanie Kiss, la petite Mélanie. Voilà avec Mélanie 10. Donc elle est bientôt sur Orléans, voilà, Orléans et puis les alentours. Rendez-vous samedi 7 septembre pour découvrir son interview sur le bord de Loire, sur Orléans ou à côté d'Orléans, voilà, j'ai pas tous les infos. Et aussi, voilà, Mélanie 10, ça sera sa première, la première invitée de la nouvelle saison de Correspondance. Elle va évoquer ses musiques et ses projets, mais aussi le harcèlement scolaire, bien sûr. Il y a beaucoup d'enfants qui se font harceler. Donc, elle va parler de ça. Donc voilà, vous pouvez la voir, même lui poser beaucoup de questions et pour voilà, pour sa première et poser des questions sur le harcèlement. Elle va parler de ça. Donc moi je trouve ça tout à fait d'accord pour le harcèlement scolaire. Voilà, donc vous pouvez la retrouver le samedi 7 septembre aux bordures de Loire. Voilà, déjà. Donc, eh bien, en fin de compte, c'est demain, parce oui. que demain, on est le 7. Eh oui, voilà. Déjà, ça passe vite, hein. Et le 7, il y a énormément, beaucoup de choses et beaucoup de sorties, je oui, pense. Oui, j'ai vu quelques, j'en ai noté quelques-uns. Oui, ben moi aussi, j'espère qu'on n'a pas les mêmes. Bah, tu verras bien. Comme à chaque fois. D'accord, ok. Ben, je te laisse en faire une autre, parce que si tu veux. Puis après, oui, on va sortir par sortir. Ouais. Voilà. Donc, pour tout le monde sur Fleury-les-Aubrais, oui. Olivet et Orléans aussi pour ce week-end. On a sur Fleury-les-Aubrais, vous pouvez rencontrer toutes les associations, le forum des associations bien sûr, à Fleury-les-Aubrais, et puis bien sûr, évidemment, il y aura Radio Arc-en-Ciel sur place. D'accord. Voilà. Okay. Donc sur Olivet aussi, vous avez le forum des associations. Sur Olivet, il y aura énormément d'événements pour les entreprises et pour les particuliers. Vous avez l'association Appel, vous avez plein d'associations. Donc ils vont être là aussi. Et demain, demain. Oui, bah demain c'est samedi. Oui, oui. Oui. Dimanche plutôt. Je pense que c'est le forum des associations sur Orléans. D'accord. Voilà. Okay. Pour le moment. Voilà. D'accord. Après, on verra pour la suite. Oui, bah, hein? Bien sûr. On va pas tout dire d'un coup. Non, il vaut mieux en dire quelques-uns de temps en temps. Voilà. Et puis après, sinon, ça fait trop dans la minute. Oui, et puis ils ont pas le temps. C'est surtout pour tous les auditeurs, ils ont pas le temps de noter, c'est bon. Et donc, si les personnes aiment beaucoup les volailles et autres, eh bien, il y a la fête de la ferme de la volaillerie qui se trouve à Gidy. Donc, ce week-end, donc samedi et dimanche, donc un week-end en air. Ça se déroule au 180 rue de Malvoisier, hein, Gilly. Et donc il y a beaucoup d'activités. Ils donc présentent comment s'occuper des volailles et puis d'autres activités différentes. Oui, mais les activités, c'est quoi exactement? C'est pour attraper les volailles? Non, non, il y a tout. Il y a de tout. Il y a marqué qu'il y a tout simplement, il y a le plein air avec jouer avec les enfants. Il y a des attractions. Il y a aussi d'autres. Ça dure aussi longtemps. Et puis certainement, non, il va y avoir des charrues ou les voilà, trucs comme ça, non? Donc il y a beaucoup d'activités différentes, j'ai marqué. Et puis aussi, comme on sera le 7, donc ben pour le dimanche, tout simplement, ça sera le dimanche 8. Il y a un thé dansant le 8 septembre. À la chapelle SME1 au 1 rue Gustave Eiffel avec la cordoniste, voilà, avec l'accordoniste, voilà. Si vous aimez bien l'accordoniste, eh bien, ça sera Catherine Fontaine qui sera là tout simplement dimanche pour vous faire danser à la chapelle SME1. C'est là qu'ils veulent bien danser et passer un super bon moment. Exactement, et puis n'oubliez pas que tout simplement à la fête des fêtes sans privé Saint-Aubin, c'est plutôt à la salle de la soirée concert de Johnny Hallyday avec Seb Animation, tout simplement à l'espace Madeleine Sologne, tout simplement à partir de 20h, tout simplement. Donc il y aura la soirée sosie de Johnny. Faut pas l'oublier. Non, surtout c'est Richie. Ah oui, voilà, très bien. Un des meilleurs. Bah, de toute façon, on y sera, rassurez-vous. Oui, oui. Voilà. Et bien donc on continue tout simplement l'émission. Voilà. Et puis non, ben, je vous laisse comme promis, que je vous ai dit, avec une des chansons tout simplement qu'on a écoutées tout à l'heure, avec Annie Click, avec Lélise, et puis l'autre à la suite de Cédric Coty, avec tout simplement Royaume d'amour. Qu'ai-je à redouter? Je veux changer. Je veux plus me cacher, ni pour rire, ni pour pleurer. Je veux faire ce qui me plaît sans crainte d'être jugée. Je préfère être différente plutôt que transparente. Oui, je vais exister. Je vais me libérer. Je veux plus me cacher, ni pour rire, ni pour pleurer. Je veux faire ce qui me plaît sans crainte d'être jugée. Je préfère être différente plutôt que transparente. Oui, je vais exister. Je vais me déployer. Tous les masques sont

Voilà donc cette musique de trompette. On va annoncer les émissions tout simplement pour ce samedi et le dimanche. Donc eh bien juste après moi, à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver tout simplement Découverte avec Manuel juste après, entre entre 19h jusqu'à 20h30, avec Portugal, avec Portugal Festa, avec Victor. Juste après, vous allez retrouver Albino avec Marika, entre 20h30 jusqu'à minuit. Et puis après, samedi matin, à partir de 9h jusqu'à midi, eh bien, vous allez retrouver l'émission de Christine avec Portugal Nos Corréziens. Et puis tout simplement, eh bien, comme demain, nous serons le samedi 7 septembre, eh bien, tout simplement, on sera tout simplement avec la radio au forum de l'association, tout simplement à Fleury. Et puis l'après-midi de samedi, entre midi jusqu'à 14h, vous allez retrouver tout simplement Carla. Et puis juste après, entre 14h et 16h, retour avec Victor, avec Portugal Mix. Retour avec un autre morceau de trompette. Et puis juste après, ce sera tout simplement Patrice et Mario, donc en duo. Arc-en-ciel. sait d'où il vient, on ne sait d'où elle vient. Quand ils se sont croisés, cette valse passait sur le petit chemin, il lui donna la main. Ils marchèrent tous les deux dans le soir merveilleux. Il ouvrit sa maison en chantant la chanson. Il offrit son amour à cet ami d'un jour. Mais depuis sous leur toit, ils vivent tous les trois. La valse et c'est le cœur dans le bonheur. Oh, petite valse, si un jour tu partais. Oh, petite valse, c'est le cœur en mourait. Mais tu les protèges par ton sortilège. Car il ne pourrait jamais se quitter si tu restais. Un, deux, trois, la chanson nous répond. Un, deux, trois, elle poursuit sa mélodie. Toi doucement, doucement elle sourit. Un de toi mais pourtant elle nous dit. Je ne sais d'où il vient, je ne sais d'où elle vient. Mon chant providentiel est un trésor du ciel. Pourquoi vouloir garder mon refrain prisonnier? Les chansons des jardins doivent courir sans fin. Laissez-moi m'envoler vers d'autres fiancées. Offrir aux amoureux des refrains blancs et bleus. Pareil à une fée, je ne fais que passer, allant de cœur en cœur, porter bonheur. Il ouvrit sa maison en chantant la chanson. Il offrit son amour à cet ami d'un jour. Mais depuis sous leur toit, ils vivent tous les trois. La valse et c'est le cœur dans le bonheur. Ya sabes que te quiero. Si no te tengo yo a mi lado, ay niña mía. Voici donc Rocco avec Marina. Hace mucho tiempo que te quiero, pero yo no te tengo a mirar. Niña, dime si tú a mí me quieres, porque yo, niña, me vuelvo loco. Marina, Marina, Marina, contigo me quiero casar. Marina, Marina, mucho tiempo que te estoy queriendo.

voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant. Une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi. Je voudrais rêver avec toi. Toujours chercher l'inaccessible. Toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune. Il faut pas pas sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Voici donc eh bien Jean Gabin et le titre tout simplement Mon Bonheur. C'est ami toi. Deux, trois, quatre mois, mon bonheur est avec toi. J'ai pas besoin de chercher plus loin. Un, deux, trois, quatre, toi, si tu m'aimes, reste avec moi. T'as pas besoin de chercher plus loin. Le compte est bientôt fait, un, deux, c'est parfait. Si nous restons nous deux, nous vivrons heureux. Ton cœur et mon cœur, c'est le secret du bonheur. On n'a jamais rien trouvé de mieux. Je t'ai... 3, 4 mois. Mon bonheur est avec toi. J'ai pas besoin de chercher plus loin. 1, 2, 3, 4 mois. Si tu m'aimes, reste avec moi. T'as pas besoin de chercher plus loin. Le corps est bientôt fait. Un, deux, c'est parfait. Si nous restons nous deux, nous vivrons heureux. Mon cœur et ton cœur, c'est le secret du bonheur. On n'a jamais rien trouvé mieux. C'est plus fantasque pour te danser dans les bras d'un garçon. Une fille ne dit jamais non. Tout le village est en fête. Voici tout simplement Luis Mariano avec tout simplement des chansons qu'on connaît tous. La montagne flirte avec la boue. Fandango, fandango, rythme tout le bravo. Et répète l'écho de Sarabimao. C'est le chant des oiseaux. Chant du ruisseau, c'est le chant de l'amour fandango. Fandango du Pays Basque, fandango simple et fantasque. C'est grâce à toi que l'on fait des folies qui sont bien les meilleures de la vie. Et combien de mariages on a vu dans le village. Sur tes accents si joyeux, si vibrants, et ton rythme qu'on a dans le sang. Fandango, fandango, rythme tous les bravos, et répète l'écho de Sarabimao. C'est le chant des oiseaux, c'est le chant du ruisseau, c'est le chant de l'amour fandango. Thank you.

ce jour béni, début d'un voyage au long cours. Pour toi l'amour de Marie, Marie, Marie, Marie, je t'ai vraiment suivi partout, même si parfois c'était folie, je ne regrette rien du tout. Quand tu m'es apparu soudain, la première fois, à l'instant j'ai su, tu serais tout pour moi. Tes beaux yeux, Syria, ont fait bondir mon cœur. Une porte s'ouvrait en grand sur le bonheur. Pour toi l'amour de Marie, Marie, Marie, Marie, je t'aime depuis le premier jour, depuis ce jour béni, début d'un voyage au long cours. Pour toi l'amour de Marie, Marie, Marie, Marie, je t'ai vraiment suivi partout, même si parfois c'était folie, je ne regrette rien du tout. Magique nuit d'amour, nos matins bleus, ta façon d'adoucir les peines, ton sens du merveilleux. Toutes ces belles années passées main dans la main, oui quelle chance d'avoir pu croiser ton chemin. Pour toi l'amour de Marie, Marie, Marie, Marie, je t'aime depuis le premier jour, depuis ce jour béni, début d'un voyage au long cours. Pour toi l'amour de Marie, Marie, Marie, Marie, je t'ai vraiment suivi partout, même si parfois c'était folie, je ne regrette rien du tout. Arc-en-ciel. Pour toi l'amour de Marie, Marie, Marie, Marie, je t'aime depuis le premier jour, depuis ce jour béni, début d'un voyage au long cours. Pour toi l'amour de Marie, Marie, Marie, Marie, je t'ai vraiment suivi partout, même si parfois c'était folie, je ne regrette rien du tout. Même si parfois c'était folie, je ne regrette rien du tout. Avec tout simplement la tarentelle. ciel. Voilà donc, eh bien, retour avec soit Brice ou Mamie Fernand. Bon, c'est pareil, l'eau, voilà. Et oui, oui, oui, avec des belles petites musiques et puis tout ça, hein, merci. C'est magnifique. Eh ben, on va continuer avec les sorties, on va aller du côté de la Sologne avec les gibiers et puis tout ça. D'accord. Voilà. Donc, il y a une exposition au château de Cheverny, à la Libération, bien sûr. Le château de Cheverny, à la Libération, sous le regard de Hand et Hauge, responsable du dépôt des musées nationaux. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, hein, bien sûr, à Cheverny. Voilà. D'accord. Et puis j'ai une autre sortie aussi. Bon, c'est un petit peu plus tard, mais on ne sait jamais. Oui, il faut le dire. Là au château, c'est le 8 septembre. Hein ? Oui. Donc là, c'est un petit peu. C'est bien. Et un petit peu plus tard, ben il y a le 29 septembre, donc c'est à la fin du mois de septembre, hein, le grand spectacle de son et lumière au château royal. D'accord. Donc c'est à Blois. Oh, ça va, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Ça va. Ceux-là qui sont de la Sologne ou qui veulent partir en Sologne un week-end ou n'importe quoi, eh ben ils peuvent aller voir ça. Hein, c'est tellement magnifique. Oh, tu mets une heure et demie pour y aller. Oui, à peu près. Une heure et demie. Une heure et demie en gros. Oui. Voilà. Et puis sinon, allez, on va dire le 6. Eh ben on est le 6 justement. Je crois. Oui. Ouais. Ben aujourd'hui, on embarque pour le voyage de la pierre le 6 septembre 2019, le château de Chambord fête les 500 ans du début de sa construction de la première. D'accord. Voilà, à Blois. Chambord. Ou Blois Chambord. Chambord, c'est à côté de Blois. Voilà. En fin de compte. Oui. Voilà. D'accord. Et puis ben voilà pour le. Et puis moi je te donne une petite météo après si tu veux. Ouais. La météo de moi et de Mamie Fernand. Ah ouais, c'est difficile, c'est différent. Ah ben on sait jamais, hein. Ouais. À pas avoir des bonnes intuitions. D'accord. Et à la fin du mois, donc pareil, le dimanche 22 septembre, si vous aimez tout simplement les concerts classiques. C'est à Ingré, à l'église Saint-Loup, avec les chœurs de choristes et musiciens. Et puis aussi à Orléans, le 18 septembre et le 19 septembre à Orléans, c'est le concert classique, donc le mercredi et le jeudi. Ça se déroule 12 rue de Notre-Dame à la Recouvrance à partir de 19h30. Donc ce sont les concerts classiques. Et puis toujours, comme je vous dis, qu'on est à Farté-Saint-Aubin pour le mois de octobre, il y a à la fin du mois de septembre, le 29, à la Farté-Saint-Aubin, ceux qui aiment les plantes et les arbres, etc. Et bien donc, il y a la fête des plantes avec face au camping de la Farté-Saint-Aubin, entre 10h jusqu'à 18h, avec toutes sortes de plantes, avec arbustes et décorations. Et donc, ils expliquent comment s'occuper des plantes et des fleurs. En octobre, ça. Oui, mais c'est le 29 octobre que ça va se dérouler, à partir de 10h à 18h à la Farté-Saint-Aubin, face au camping du Farté-Saint-Aubin. Voilà. Bah oui, mois d'octobre, il y a aussi Mamie Fernand. Bah voilà, tout à l'heure, je t'en ai expliqué. Donc, bah, tu peux l'annoncer si tu veux. Oui, bah oui, oui, pourquoi pas, hein. C'est une petite soleil. Avec ta canne. la vieille gâteuse, Mamie Fernand. Ah, ça, c'est toi qui le dis, hein. Ah, bah. C'est pas moi. Moi, je l'ai vu, Mamie Fernand, et puis, c'est vraiment la Mamie gâteuse, hein, comme on dit. Eh ben oui, il y a Mamie Fernande. Qui... Mais bon, hélas, à tous les fans de Mamie Fernande, c'est complet. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ils ont une OD s'ils veulent avoir des autographes qui se pointent là-haut. Mais il y en a deux qui viennent d'ailleurs. T'es au courant? Oui, voilà. Oui. Il y a quelques fans qui commencent à réagir et qui veulent venir voir Mamie Fernande. Mais uniquement pour les autographes ou la remercier quand même d'être dans la région. Ouais. Et c'est à Châtenois. Voilà, le 17 octobre. À 14h. À 14h. Toi, c'est noté. Dès 14h. D'accord. Voilà. Le 17 octobre, il y a Mamie Cateuse, Mamie Fernande, à Châtenois. Voilà, c'est à 43 à peu près. 43-44 km d'Orléans. Ouais, mais c'est vraiment. Ouais. C'est vite fait. En fin de compte, c'est un côté de. Pas loin, direction de Trinou, en fin de compte. Oui, bah oui, voilà. Je sais pas. Oui, je sais si, pas. Si, si, si. Moi, je vais aller peut-être la voir, leur demander un autographe à Mamie Fernande. Donc, je sais pas. Je aussi. Voilà. D'accord. Merci. Alors, tu veux que je te parle de la météo? Ouais. Si tu veux. Alors, une petite météo. La météo de... Ce week-end. De ce week-end. Je prends mon petit papier. Hop, hop, hop, hop, hop. Parce que moi, je note tout maintenant. Ah, bah oui. Il faut bien. T'as pas le cerveau entier. Je commence à vieillir. Voilà, à vieillir. Alors, la météo de Mamie Fernande m'a annoncé pour samedi 7 averses, des petites averses. Hein. Ah, t'as pas fait hélas. Des petites averses, mais qui vont pas durer longtemps. Ben, j'espère. Voilà. Par contre, si vous êtes du matin, mettez-vous un petit pull. Hein. Oui, exactement. Voilà. Je vous annonce entre 6 et 8 degrés. Hein. Et à partir de midi et demi, 1h, les températures remontent. On va m'annoncer que c'est à partir de 14 degrés, entre 14 et 21 degrés de toute l'après-midi. Voilà. Et pour dimanche, pour la météo, parce que le matin, il fait un peu frais le matin, mais après ça remonte tranquillement. Oui, ben moi, je sais pas, moi je regarde pas la météo. Non, mais regarde, le matin, je suis bleu. Ce matin, j'étais dehors vers 7h30, et ben, il faisait un peu frais, mais après, ben, ça s'est remonté tranquillement vers 8h30, bien tranquillement. Mais au début, il commence à faire frais. Mais après, ça remonte tranquillement. Voilà, mais bon, surtout mettez des pulls. Ouais, exactement. Les enlevez pas tout de suite. Même qu'il y a le soleil, il faut quand même s'ouvrir un petit peu avant. Voilà, parce que les bronchites et puis tout ça, ça va. Ou les gastro, ou n'importe quoi, voilà. Et bon, alors. On n'est pas médecin, mais il faut quand même se couvrir avant. Tout à fait. Lever du soleil à 7h18 et coucher du soleil à 20h22. Et pour dimanche, dimanche partiellement couvert, hein, avec bien sûr le matin entre 5 et 6 degrés, donc on baisse de plus en plus, voilà, de plus, on va bien sûr l'après-midi à partir de 11h, 15 degrés, et dans l'après-midi, allez, moi je vais vous annoncer entre 17 et 18 degrés. D'accord. Voilà, et le lever du soleil pour dimanche c'est 7h19, et pour le coucher du soleil 20h19. Voilà ce que j'ai regardé sur le calendrier. D'accord, monsieur. Disons, mamie. Ouais. D'accord. Oui, mamie, elle a dit 7h19, tout le monde debout hein, pour prendre le petit déjeuner. D'accord. Ok. Eh bien, voilà, c'était la petite météo d'Orléans, bien sûr, et les alentours, bien sûr, de Mamie Fernande. Okay. Voilà. Merci, Mamie Fernande. Merci, mon petit. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Merci bien. Merci, Nico. Donc, on va continuer, bien sûr, les chansons. Voici tout simplement avec Léo Ferré, avec Le Temps du Tango, suivi d'autres chansons différentes. Et puis, juste après, il y aura une chanson différente, et c'est pour Mamie. Elle verra très bien. Si elle écoute bien l'émission, elle verra très bien que c'est pour lui et pour elle. C'est une surprise de les voir. Et bien, on continue l'émission. Sur l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Moi, je Je suis du tango, même les durs étaient dingos de cette fleur du guinche exotique. Ils y paumaient leur énergie, car abuser de la nostalgie, c'est comme l'opium, ça intoxique. Costume clair et chemise blanche dans le sous-sol du Mikado. J'en ai passé de beaux dimanches, des belles venaient, mon avalanche, et vous offrait comme un cadeau. Rondeur du sein et de l'anche, pour qu'on leur fasse danser le tango. Ces mômes-là, faut pas vous tromper, c'était de la belle petite poupée, mais pas des filles ni des mondaines. Mesdames, quand on a travaillé 6 jours entiers, on peut se payer d'un cœur léger une fin de semaine. Si par hasard et sans manière le coup de béguin venait bientôt, elle se donnait, c'était sincère. À ce que les femmes ont pu me plaire, et ce que j'ai plu, j'étais si beau. Faudrait pouvoir faire marche arrière, comme on le fait pour danser le tango. Des tangos, il y en avait des tas, mais moi je préférais Violetta. C'est si joli quand on le chante, surtout quand la boule de cristal balance aux quatre coins du bal tout un manège d'étoiles filantes. Alors c'était plus Valentine, c'était plus Lou, ni Margot, dont je serrais la taille fine. C'était la reine de l'Argentine, et moi j'étais son Hidalgo. Oeil de velours, une main câline, à ce que j'aimais danser le tango. Les jours, adieu la jeunesse et l'amour, les petites mômes et les je t'aime. On laisse la place et c'est normal, chacun son tour d'aller au bal, faut pas que ça soit toujours au même. Le cœur, ça se dit corazón en espagnol, dans les tangos. Et dans mon cœur, ce mot résonne. Et sur le boulevard, en automne, en passant près du Mikado, j'arrête plus, mais je fredonne. C'était battre le temps du tango. C'était battre le temps du tango. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer quand tu passes en tricotant les hanches. D'un clin d'œil, le quartier est dragué. C'est bien toi la reine de la place blanche. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer quand tu trimbales ton éventaire. Ton arsenal sans fer de chiquet a vaincu plus d'un grand militaire. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer, les gens disent que t'es de la mauvaise graine, parce qu'à chaque homme tu donnes la béquée, et que l'amour pour toi c'est de la rengaine. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer, chapeau bas, t'es une vraie citoyenne, tu soulages sans revendiquer les ardeurs extra-républicaines.

volcans. De ton corps tellement magnifique. Sur une île déserte, nous nous sommes aimés. Sous les cocotiers, on s'est embrassés. Sur le sable chaud, tout a chaviré. Sur le sable chaud, tout a chaviré. Mon paréo a glissé sous tes flots de tendresse, tandis que mes mains découvraient ta peau. Puis nous sommes allés nager, le cœur rempli d'ivresse, comme des enfants qui aiment jouer dans l'eau. De joie, de volupté, de caresses sensuelles, nous avons beaucoup crié. Nous étions amoureux et les mouettes nous survolaient, s'envolant à tire-d'aile, bénissant ce bel amour. Dans le bleu de nos yeux, sur une île déserte, nous nous sommes aimés. Cocotier, on s'est embrassé. Sur le sable chaud, on a déliré. Sur le sable chaud, on a déliré. Sur une île déserte, nous nous sommes aimés. Sous les cocotiers, on s'est embrassé. Voilà donc, eh bien, juste après cette chanson, on va faire un petit tour du côté du Portugal. Un petit bonjour à Florian. Mysterio Lucenzo. J'ai fait le dawa, je sais plus. J'crois qu'on a laissé des plumes. J'me rappelle juste qu'on a posé en gros. J'ai mis de côté les études, j'ai préféré faire des tubes. Pendant que c'est haineux, faut que j'acte dans le dos. Yeah. Mamacita, à ton vice on est habitué. Oye mamacita, des meufs belles, y'en a partout. On est blanc, pas du bloc à faire du blé. Dans mon texte, on est trop. Depuis le départ, on se bat, on s'emballe. Pour une étoile sur le maillot comme Cristiano Ronaldo. Minuit dans la ville, j'ai pas le moral à zéro. Regarde où tu viens, tu ne seras pas déçu, gros. Fais ça pour la thune, à la base y'a pas d'études. Prêt à sortir le projet, j'ai les chapeaux pleins d'euros. J'ai fait le dawa, je sais plus, j'crois qu'on a laissé des plumes. J'me rappelle juste qu'on a posé en gros. J'ai mis de côté les études, j'ai préféré faire des tubes. Pendant que c'est haineux, faut que j'acte dans le vent. Mamacita, à ton vice on est habitué. Oye mamacita, des meufs belles, y'en a pas. Mami, aquí llegó lo duro, el reggaetón el puro. Sabe que somos nosotros, otro. Peligroso como un lobo, rapeo pa' mi combo. Mister, you dile que soy yo. Porque salí de este abajo y estoy muy trabajo. Mucho talento y sudor. Nosotros controlamos el flow. Oye mamacita, tú sabes que no hay otro como yo. Je fais le dawa, je sais plus. J'crois qu'on a laissé des plumes. J'me rappelle juste qu'on a posé en gros. J'ai mis de côté les études, j'ai préféré faire des tubes. Pendant que c'est haineux, faut que j'acte dans le vent. Yeah. Mamacita, à ton vice on est habitué. Oye mamacita, des meufs belles, y'en a partout tu sais. Mais c'est un porra, papel y Marlboro. Canto por todo lo moro, que quiere nuevo de oro. Quiero un beso de tu boca, la gente está muy loca. La manzana quiere vodka, vale, bailame un poquito, gorda. Tengo lo que tú quieres hoy, mamacita. Con Lucenzo controlamos el flow. Mamacita, tú sabes que no hay otro como yo. Je fais je sais plus, j'crois qu'on a laissé des plumes. J'me rappelle juste qu'on a posé en gros. J'ai mis de côté les études, j'ai préféré faire des tubes. Pendant que c'est haineux, faut que j'acte dans le vent. Mamacita, à ton vice on est habitué. Oye mamacita, des meufs belles, y'en a partout tu sais. conexión increíble. No jugamos, papi. Tú sabes. Tens que sorrir e beijam-te. ouvrir. E bem juntinho sou uma selfie e vou tirar. É flash, flash pra cá, é flash, flash pra lá. Vem tirar uma selfie que eu quero publicar. É flash, flash pra cá, é flash, flash pra lá. Vem tirar uma selfie, vamos ver o que isto dá. Voici donc, eh ben, bébé Lily. Le titre s'appelle tout simplement Petite fleur de vanille. Avec Liane Célis. Et puis juste après elle, on écoutera avec Tino Rossi. Me verges immondes, et bal a commencé. Moi les couples sont enlacés. Je vais t'apprendre la conga, le dernier succès de Cuba. Ne dis pas non. Cette danse-là, conga, conga, conga, à son rythme on ne résiste pas. Déjà la mélodie nous invite, ne perdons pas de temps ma petite, gentiment décide-toi bien vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite dans mes bras. Conga, conga, il n'y a rien de mieux que ça. Le bleu, le paradis. Je pense à toi toutes les nuits, Leïla, ya Leïla. Voici donc Kylian Jessiki. Voilà donc, et puis voici tout simplement qu'est-ce qu'il veut nous annoncer tout simplement. Mamie. Oui. Faut pas oublier aussi à Orléans, du 18 au 22 septembre 2019, le plus grand rassemblement de l'année, le Festival de la Loire 2019. Embarqué pour les plus grands rassemblements européens de la marine fluviale sur la Loire à Orléans, du 18 au 22 septembre. D'accord, bien, merci bien. Et bien donc, bientôt terminer l'émission, parce qu'il est bientôt... Eh bien, 50, et déjà 48. Et ouais, ça y est déjà. Ça très vite, mais comment on sait qu'on va venir? Il n'y a pas de souci. Oh, voilà. Exactement. Donc on va se dire bonsoir après les Cheesy King, qu'est-ce qu'on pense? Ouais, très bien. D'accord. Mi pareja. Voilà donc Brice, voilà, bon, on va se terminer, on va se retrouver prochainement. Oui, c'est ces musiques-là qu'on va se quitter. Ok, ben ouais. Moi, bonne soirée à vous tous et surtout un super bon week-end à vous tous et attention à la route aussi. D'accord, merci, donc à bientôt et puis donc on va laisser la place maintenant à Manuel avec l'émission Découverte suivie de Victor et puis juste après, ce sera tout simplement l'émission de Morika jusqu'à minuit. Voilà. Donc, ben, je vous dis bonsoir à vous tous et à vous toutes. Oui, bonsoir à vous tous et à tous les auditeurs. différente, 100% différente, pour votre plaisir.